Bonjour, nous sommes le 1er mai 2017. Bienvenue à ce rendez-vous d'information dont voici les grandes articulations. À l'occasion de la célébration de la fête du travail et du travailleur, le président de la République, Pierre Nkurunziza, appelle la population à lutter contre la fraude et la corruption. Il plaide aussi pour la réduction des taux d'intérêt des banques lorsqu'elles octroient des crédits à leurs clients. Le parti MRC Lourenzangue Mello se dit prêt à répondre présent à une réunion de briefing prévue à Bujumbura le 3 mai entre la délégation de la facilitation régionale et les parties prenantes au conflit burundais. Selon le porte-parole de ce parti, ils n'attendent pas grand-chose d'important du moment que ces genres de rencontres sont répétitives. L'essence est toujours introuvable dans la ville de Bujumbura. Les utilisateurs de ce produit demandent au gouvernement de faire tout son possible pour que ce produit soit disponible. Voilà pour les titres. Au micro, c'est Christelle Anisgama et la mise en onde est assurée par Albert Ndouayo. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais dans les titres, à l'occasion de la célébration de la fête du travail, le président de la République, Pierre Nkurunziza, appelle la population à lutter contre la fraude et la corruption. Il plaide aussi pour la réduction des taux d'intérêt des banques lorsqu'elles octroient des crédits à leurs clients. Nous y reviendrons dans ce journal. Débutons par la page politique. Le parti MRC Lourenzangue Mello se dit prêt à répondre présent à une réunion de briefing prévue à Bujumbura du 3 au 5 mai prochain entre la délégation de la facilitation régionale et les parties prenantes au conflit burundais. Cependant, le porte-parole de ce parti, Eric Nkengu Burundi, indique qu'on n'entend pas grand-chose du moment que ces genres de rencontres sont répétitives. Pour lui, l'important est que commencent les vraies négociations entre le gouvernement et l'opposition en vue de trouver une vraie solution au conflit. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Léonce Bitaliho. Ce qui est anormal pour nous, c'est que ça se prolonge, c'est que ça perdure longtemps. On est dans une phase toujours de consultation. Et nous voulons qu'on entame les négociations proprement dites. Nous sommes un peu angoissés du moment qu'on n'a pas voulu attendre le sommet des chefs d'État pour que l'on puisse prendre des décisions, des mesures, surtout des mesures qui puissent contraindre le gouvernement, si vous voulez, tous les côtés. Parce que pour nous, il faut d'abord se sommer, il faut prendre des décisions pour que le parti au pouvoir ou le gouvernement puisse être d'accord à être même table de négociation que l'opposition. On n'a pas vraiment de grands espoirs, on n'attend pas grand-chose à ce genre de consultation. Mais de toutes les façons, si nous serons invités, nous serons là. En attendant, que dire de l'échéance du mois de juin qui a été donnée par le facilitateur Benjamin Mkapa? Il serait bon de respecter le calendrier pour qu'on puisse terminer au mois de juin. Mais en réalité, pour nous, il nous semble difficile de réaliser tous ces travaux dans un mois parce que nous sommes déjà au mois de mai. Il est très difficile de croire qu'en juin, on pourra clôturer toutes ces négociations. Mais nous nous disons qu'il arrive qu'on prolonge d'un mois, de deux mois. C'est normal, l'important est d'engager les vrais débats, les vraies négociations. Et l'important est aussi la volonté. Il faut des signes manifestes du côté du sommet des chefs d'État. Nous voulons que d'abord ce sommet des chefs d'État puisse se réunir pour tracer des orientations, pour tracer une ligne directive. Et comme ça, on pourra le faire dans un mois ou dans deux mois. Si ça se termine après, au mois de juillet ou d'août, pour nous, l'important, ça serait un compromis politique qu'on pourra tirer de ces négociations. Et du côté de la plateforme féminine pour la paix et la sécurité au Burundi, Marie Kinyabuku, la coordinatrice de cette plateforme, salue la venue de l'équipe de la médiation tanzanienne pour rencontrer ceux qui n'ont pas été invités lors des récentes consultations qui se sont déroulées à Arusha en Tanzanie. Elle demande des consultations qui ne discriminent pas les femmes. Cette militante des droits des femmes veut un dialogue qui puisse ramener la paix au Burundi et le strict respect des droits de la personne humaine au Burundi. On l'écoute. Donc nous avons un agenda précis. Nous avons des piliers dans l'agenda qui se basent sur la résolution 1325. Et dans cet agenda, il y a ce qui concerne la protection des femmes, la prévention contre les violences basées sur le genre, le relèvement économique, la participation des femmes dans les organes de prise de décision, ainsi de suite. Donc, c'est tout un agenda que nous avons. Et c'est à partir de cet agenda que nous allons discuter avec la médiation. Il s'agit de chercher une paix durable pour que ce qui s'est passé ne se répète plus, notamment pour ces réfugiés. Parce que s'il y a des réfugiés à l'extérieur, on ne peut pas vraiment parler de paix durable. Mais aussi, ce que nous demandons, c'est que si nous participons entièrement au dialogue, si nous sommes associés à tous les mécanismes du dialogue, et si les autorités veulent faire rentrer les réfugiés, nous pensons qu'il serait bon de nous associer dans tous ces mécanismes. Parce que ceux qui sont à l'extérieur sont nos filles, sont nos sœurs, sont nos enfants. Donc nous sommes représentés partout même à l'extérieur. Donc nous avons la facilité dans le dialogue de faire rentrer nos consoeurs et nos enfants. Et nous pouvons appuyer fortement le gouvernement s'il nous associe dans cette démarche. Captez Isanganilo, écoutez la différence. À 13h04, le président de la République appelle la population à lutter contre la fraude et la corruption à l'occasion de la célébration de la fête du travail et des travailleurs. Pierre Nkurunziza plaide pour la réduction du taux d'intérêt des banques quand elles octroient des crédits à leurs clients. On l'écoute, il est traduit par Pascal Nioyangunze. Nous exhortons les banques et tout cela qui octroie des crédits à ne plus décourager tous ceux qui ont de bons projets en leur exigeant des intérêts exorbitants. Il faut qu'ils sachent que leurs capitaux proviennent de leurs clients et doivent alors contribuer à leur développement. Tout en s'inspirant des exemples d'ailleurs, les banques burundaises devraient appuyer dans le développement du pays à travers l'éducation, des stages et autres formations, la recherche, les jeux sportifs, la santé, la protection de l'environnement et bien d'autres activités. Vous saurez que, en ce qui concerne les employés et les employeurs, le gouvernement, en collaboration avec les représentants de ces derniers, est en train de réviser le code du travail dans le but de son actualisation. Nous demandons aux employeurs de suivre de près leurs employés, bien organiser l'inspection du travail, sans oublier l'organisation des réunions, afin que chacun puisse connaître la réglementation du travail, ses droits et ses devoirs. Il faut également que les employeurs encouragent les travailleurs compétents. Mais s'il s'avère nécessaire, des sanctions doivent être infligées aux fainéants, tous ceux qui ne respectent pas les heures de travail, et décourager tout comportement qui va à l'encontre du bon rendement, dans le but de leur rappeler que leur avenir et celui du pays proviendront de leurs compétences. Nous devons tous ensemble lutter contre l'exportation frauduleuse, surtout celle des minerais, du café et du sucre, sans oublier la lutte contre la corruption. Le 1er mai est une très bonne occasion pour revendiquer les droits des travailleurs, selon Marie-Gorette Nindolela, un des employés de l'ONATEL. Elle demande au gouvernement de suivre de près la situation financière des travailleurs. Elle indique que la suspension de l'ANAL a eu un impact négatif sur la situation de la vie des employés. Suivez-la. La suspension de l'ANAL a fait un impact négatif sur les situations de vie, les situations financières. Ce ne serait pas une occasion de ne pas fêter cette journée internationale du travail. C'est plutôt une occasion à ne pas rater pour toujours dialoguer avec les employeurs, avec le gouvernement. Si le gouvernement a pris la décision de suspendre l'ANAL pour peut-être augmenter les salaires de certains fonctionnaires, c'est une décision du gouvernement. On ne peut rien faire, mais quand même, comme je l'ai toujours dit, c'est aussi une occasion de nous associer au travail du monde entier pour demander à nos gouvernements respectifs de revoir et de suivre de près la situation financière qui est vraiment aujourd'hui dans notre pays, aujourd'hui très difficile. Madame, cette fête se passe au moment où il s'observe la pauvreté un tout petit peu généralisée dans le pays. Qu'en est-il pour un travailleur? La situation financière est généralisée presque dans tout le pays. À l'intérieur du pays, c'est lié aux alinéas climatiques. Pour les travailleurs, c'est presque la même chose parce qu'il y a dévaluation de la monnaie. Il y a vraiment la pauvreté presque généralisée. Mais on a vraiment pas droit de se décourager. On doit toujours nous unir parce que l'union faisant la force, nous avons le devoir de nous unir pour effectivement lutter, faire beaucoup d'efforts pour pouvoir survivre et traverser cette période qui, j'espère, doit passer absolument. Vous n'avez pas Isanganilo, vous ratez l'essentiel. À présent, page sécurité de ce journal. Un commerçant du nom de James Habonimana de la colline Bgayi, zone Luseruko, commune Mugina de la province de Chibitoke, a été tué dans la nuit de ce dimanche par des personnes non encore connues. Les sources provenant de sa famille et confirmées par le chef de la zone Luseruko indiquent que les malfaiteurs l'ont surpris lorsqu'il rentrait de son service et l'ont dépouillé de tout son argent qu'il possédait. Sa famille dit que la vie leur sera difficile du moment que c'était le chef de famille qui assurait leur survie. Elle demande que justice soit faite pour que les auteurs de ce crime soient identifiés. L'essence est toujours introuvable dans la ville de Bujumbura. Sur certaines stations, il n'est distribué que le gasoil. Les utilisateurs de l'essence demandent au gouvernement d'user de tous les moyens pour que ce produit soit à leur disponibilité. Ali Dandaïkeza fait le tour de certaines stations. Voici son reportage. Les différentes stations de la ville de Bujumbura qu'on a visitées, comme chez Katikati en plein centre-ville, il n'y avait pas d'essence, seul était donné le gazoil. À la station Interpétrole, à côté d'Ex Novotel, il n'y avait aucun véhicule. Dans le quartier d'Obguiza, à la station Kingstar, il y avait quelques véhicules, mais qui consomment le gazoil. À côté de Kingstar, sur la station Kobil, il n'y avait aucun type de carburant. Topoane, dans le quartier de Kigobe, des voitures y étaient stationnées, mais il n'y avait pas de distribution d'essence. Dans ce même quartier, à la station Kobil, il n'y avait même pas de pompiste. Sur la station Mogas du quartier Kigobe, aucun véhicule n'y était. Notre tour, nous l'avons terminé sur la station Kigobe City Oil, où il y avait plusieurs véhicules en attente. Même si les consommateurs de carburant n'ont pas voulu s'exprimer sur notre micro, ils ont indiqué que cela faisait plusieurs heures qu'ils attendaient à cette station et demandent au gouvernement de trouver solution à ce problème, car il y a des perturbations dans leur travail de tous les jours. Merci Alida. Deux enfants respectivement de 4 et de 14 ans ont des tumeurs dans la bouche et dans le nez. Ils sont alités à l'hôpital Roi Khaled. Les médicaments semblent ne pas produire d'effet, disent leurs parents qui demandent une assistance à toute âme charitable afin de les évacuer vers d'autres pays. Voilà chers auditeurs, c'est ici que s'achève ce journal. Mais avant, je vous rappelle les titres. À l'occasion de la célébration de la fête du travail et des travailleurs, le président de la République, Pierre Nkurunziza, appelle la population à lutter contre la fraude et la corruption. Il plaide aussi pour la réduction du taux d'intérêt des banques lorsqu'elles octroient des crédits à leurs clients. Vous l'avez entendu dans ce journal. Le parti MRC de Nzanga Melo se dit prêt à répondre présent à une réunion de briefing prévue à Bujumbura le 3 mai entre la délégation de la facilitation régionale et les parties prenantes au conflit burundais. Selon le porte-parole de ce parti, ils n'attendent pas grand-chose d'important du moment que ces genres de rencontres sont répétitives. L'essence est toujours introuvable dans la ville de Bujumbura. Les utilisateurs de ce produit demandent au gouvernement de faire tout son possible pour que ce produit soit disponible. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouayo pour sa collaboration technique. Christiane Isgama était au micro. Bonne fête du travail à tous.